Chapitre 9e, les quatre chats et le cheval de bois. Un an se passa. La fée, redevenue la fée Aurore, avait repris sa beauté et tenait le sablier des jours et des heures. Chaque grain de sable tombait dans l'éternité. Quand le jour mémorable fut venu, Suzanne tomba agenouillée et prit à l'ombre de sa mère de l'inspirer dans ses souhaits. Son ami Robert, qui lisait beaucoup, lui avait parlé des pays inconnus, des oasis, des Eldorado, des paradis terrestres qui verdoient et fleurissent sur la surface du globe. « Eh bien, dit-elle, je veux voyager. » Vous savez que Suzanne avait une jolie famille de quatre jeunes chats, deux blancs et deux noirs, encore tout mignons, mais déjà joueurs et malins. Ils avaient les plus jolies figures du monde, avec de grands yeux verts et de vaillantes moustaches. En un mot, des chats mouflus et moustachus, comme s'ils venaient tout droit du royaume d'Angora. Or, quand Suzanne fut sur le point de partir, à 7 heures du matin, il lui fallut bien un carrosse doré et des chevaux fringants. Elle se demandait comment elle allait faire un pareil voyage, mais la fée était là, invisible, qui veillait à tout. Au moment où Suzanne embrassait ses chats pour leur dire adieu, elle ne fut pas peu surprise de voir qu'il leur poussait des ailes. Elle se sentit tout à coup emportée dans les airs avec une rapidité fabuleuse par les quatre petits chats qui avaient pris le morodant tout en criant « Miaou !» Tous les oiseaux du ciel s'approchaient pour voir un aussi bel attelage. Son carrosse était composé d'une ramée de fleurs où l'on voyait une tulipe hollandaise aux 1000 couleurs qui avait coûté 1000 écus d'or. Suzanne n'en pouvait croire ses yeux, surtout lorsqu'elle vit son petit frère qui l'escortait, monté sur son cheval de bois et galopant à travers les nuages. « Hélas !» dit tout à coup Suzanne, « Robert n'est pas du voyage. » Elle versa une larme, qu'elle a tombée sur les tours désertes et désolées du vieux château des Vignes-Dieu.